Quel est le point commun entre Albert Einstein, Louis Pasteur, Jules Verne ou Agatha Christie notamment? Eh bien, toutes et tous souffraient de ce qu'on appelle les troubles 10, D-Y-S, préfixe emprunté au grec, qui signifie négation ou malformation, que l'on retrouve dans une série de troubles cognitifs dont le plus fréquent est la dyslexie, mais aussi la dyspraxie, la dysorthographie, la dyscalculie, et j'en passe. Ces troubles liés à l'apprentissage sont aujourd'hui bien connus, mais encore mal recensés. On estime qu'ils pourraient toucher entre 5 et 8% par classe d'âge, et qu'en France, jusqu'à 7 millions de personnes en souffriraient. Trouble des apprentissages, la table des 10, c'est le programme désordonné qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces multiples troubles qui touchent plus de personnes donc que vous l'imaginez certainement, et parce que ces troubles à l'âge adulte sont encore très souvent tus, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Florence Marchal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation aux hôpitaux Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, et membre du comité scientifique de la FFDYS, la FF10, la Fédération Française des Troubles 10. Et Hervé Glazel, bonjour. Bonjour. Vous êtes neuropsychologue, spécialiste du développement de l'enfant et de l'adolescent, fondateur et directeur du CEREN, qui est le centre de référence pour l'évaluation neuropsychologique de l'enfant. Mais pour commencer, eh bien, on fait, comme tous les lundis, le tour de l'actualité scientifique du week-end avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec la crise des opioïdes aux États-Unis. Une étude révèle que 100 000 décès par surdose n'ont pas été recensés. Et la crise des opioïdes aux États-Unis est un problème majeur de santé publique. Les overdoses par opiacés sont désormais la première cause de mortalité chez les jeunes, après les décès par arme à feu et par accident de voiture. Dans cette étude parue dans la revue Addiction, une équipe américaine a revérifié les certificats médicaux des cas de surdose non classifiés, c'est-à-dire quand la substance impliquée dans le décès n'est pas recensée. À l'aide d'un algorithme, ils ont comparé avec les 4 surdoses d'opioïdes connues et ils ont identifié des facteurs communs. Selon leurs calculs, entre 1999 et 2016, 72% des surdoses non classées impliquent des opioïdes. Cela représente donc 100 000 décès supplémentaires. Marie-Geoffrey Roustide, sociologue et chercheuse à l'INSERM, elle mène un programme de recherche sur la gestion du risque dans la crise des opioïdes. Ce papier, pour être très honnête avec vous, ne m'a pas complètement surpris, puisque en France, par exemple, on sait depuis longtemps que les méthodes qui sont utilisées pour estimer le nombre d'overdoses ne permettent pas d'avoir le nombre exact. Donc on sait qu'il y a des marges d'erreur dans les estimations pour les overdoses. Donc le fait que les États-Unis aient pu sous-estimer le nombre d'overdoses, alors dans des proportions qui sont quand même importantes, hein, puisque on est autour de 27% de sous-estimation des cas, 100 000 décès, c'est important, sauf que ces 100 000 décès sur des cas d'overdose qui ont été répertoriés entre 1999 et 2016, ça veut dire sur 17 ans. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le nombre d'overdoses par an aux États-Unis, les dernières données, par exemple, estiment qu'il y a eu 72 000 morts par overdose par an. Donc en fait, on est sur des très grands nombres. Par contre, un des éléments importants, c'est de pouvoir identifier les régions dans lesquelles la sous-estimation a été la plus importante. Parce que là, on parle de chiffres au niveau national, mais les régions dans lesquelles la sous-estimation a été la plus importante va nécessiter que les moyens qui ont été envisagés sur la réponse aux overdoses puissent être déployés de manière plus équitable en fonction des régions qui, de fait, vont voir leurs estimations modifiées avec ce nouveau redressement en termes de calcul qui a été proposé. Voilà, et comme chaque jour, on vient de vous poster le lien vers cette étude publiée dans la revue Addiction sur le fil Twitter de l'émission que vous pouvez consulter @laméthodefc sur le site franceculture.fr et où nous postons comme chaque jour évidemment des liens vers les études du Journal des Sciences, mais aussi en complément de l'écoute de l'émission d'aujourd'hui consacrée, je vous le rappelle, au trouble 10. Et on passe au bref. Le scientifique Freeman Dyson est décédé vendredi dernier. Et le physicien et mathématicien anglo-américain avait 96 ans. Scientifique civil pour la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, il est ensuite devenu professeur de l'université Cornell sans avoir jamais officiellement obtenu de doctorat. Freeman Dyson est l'un des pionniers de l'électrodynamique quantique. Réacteur nucléaire, physique du solide, ferromagnétisme, astrophysique et biologie, son apport à la science est immense. Son travail a aussi nourri la science-fiction du XXe siècle et de nombreux concepts portent son nom. La transformée de Dyson, l'arbre de Dyson, la série de Dyson et la sphère de Dyson. Pour reprendre les mots du camarade Aurélien Bélanger ce matin, Freeman Dyson s'éteint et avec lui, un pan de la science-fiction. Selon une prépublication parue sur le site Archive, nous aurions découvert la première protéine extraterrestre dans une météorite. Une équipe internationale a examiné des échantillons de Akfer 086, une météorite découverte il y a 30 ans en Algérie. Ils ont identifié des polymères d'acide aminé. La spectrométrie de masse révèle une protéine météorique qui contient du fer et du lithium, l'hémolytine. L'hémolytine est chimiquement différente de toute protéine terrestre connue. Cette molécule se serait formée dans le disque protosolaire il y a 4,6 milliards d'années. L'étude doit encore être validée par les pairs, mais si elle est confirmée, cela confirmerait que les éléments constitutifs de la vie pourraient déjà exister dans l'espace et que le développement de la vie sur Terre aurait pu être provoqué par un impact de météorite. Et alors qu'on vient d'apprendre il y a peu que le coronavirus aurait fait une troisième personne morte en France, et on vous met tout de suite le lien sur le fil Twitter de l'émission vers les pages consacrées au coronavirus sur le site franceculture.fr. Pour finir, Natacha, la RATP est en train de mettre en place le Lab Intelligence Artificielle Vidéo, qui est un laboratoire d'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, au sein de la station Châtelet à Paris. Oui, ce laboratoire sera opérationnel au second semestre de cette année. Avec la CNIL, la RATP est en train de mettre en place le cadre légal de ces expérimentations. Alors, ce ne sera pas de la reconnaissance faciale à proprement parler, mais des algorithmes de détection automatique d'événements. À partir des caméras du réseau, les IA de la RATP pourront détecter des situations anormales, des mouvements de foule ou des comportements violents, pour ainsi enclencher une rapide intervention policière. Les associations de droits humains, telles que la Quadrature du Net, dénoncent une société sous contrôle et la généralisation des outils de surveillance de masse. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Et puis un mot pour vous dire que l'émission de vendredi, nous consacrerons une émission spéciale justement à ces questions liées à la gestion de la pandémie de coronavirus. Comment faire pour contrôler l'apparition et la dispersion d'un virus nouveau tel que ça s'est déjà produit à plusieurs reprises, qu'il s'agisse des anciennes épidémies de SRAS ou de celles de coronavirus aujourd'hui. Comment est-ce que l'on passe de l'épidémie au stade de la pandémie? Comment les pouvoirs publics peuvent réagir? On vous prépare une table ronde spéciale pour essayer de comprendre quels sont les enjeux de gestion planétaire de ce virus qui est en train de se répandre sur différents pays, comme vous venez de l'entendre. Voilà, notre émission du jour consacrée aux troubles 10, selon des estimations jusqu'à 7 millions de personnes, soit un peu plus de 10% de la population française souffrirait de ces troubles 10, D-Y-S, ou troubles spécifiques du langage et des apprentissages selon la terminologie officielle de la Haute Autorité de Santé. Pourtant, ces chiffres en France sont sujets à caution, car aucune étude d'ampleur n'a été effectuée pour mesurer la fréquence exacte de ces TSLA chez les enfants scolarisés. Les estimations évoquent entre 6 et 8% d'une classe d'âge, 2% seraient dysphasiques, 3% dyspraxiques, on va définir évidemment tous ces mots-là. Et pour le trouble le plus courant, la dyslexie, il toucherait entre 4 et 5 à 6% des enfants. Écoutez la définition que l'on donnait de la dyslexie en 1967. Nous sommes sur France Culture, dans l'heure de la culture française. Si les difficultés de la lecture représentent chez le dyslexique le trouble le plus précoce et le plus immédiat, on sait que ce dernier se prolonge de façon très tenace par le trouble dysorthographique, faute de mots, monstrueuse, grossière ou discrète, et faute d'accord. Mais il y a plus encore et plus dissimulé. On s'aperçoit que toute entreprise linguispéculative est perturbée chez le dyslexique, c'est-à-dire que sa pensée a du mal à s'organiser clairement en chaîne écrite, et que l'agencement des mots dans la phrase, des phrases dans les propositions, des propositions entre elles est souvent incorrect. Cela apparaît dans l'épreuve dite du texte libre, où l'on demande au sujet de faire une petite narration et dans laquelle se trouve épanché son langage intérieur de façon anarchique. On conçoit fort bien la répercussion affective d'une telle infirmité. L'enfant soudain mobilisé à l'âge de 6 ans pour le langage écrit et inadapté à la tâche, est plongé dans la pire des erreurs judiciaires, celle dont l'accusé lui-même n'est pas conscient. Les accusations de paresse et d'inattention se répètent et s'organisent autour de lui en le culpabilisant de ses mauvais résultats. Comme il ne peut pas définir son trouble et plaider sa cause, il ne tarde pas à présenter des manifestations réactionnelles dont on sait qu'elles peuvent être de tous ordres. En fait, jour après jour, dans un implacable conditionnement, peuvent se développer le dégoût scolaire, la névrose d'échec, le sentiment d'une injustice latente et la rébellion allant d'une mauvaise insertion sociale à la délinquance caractérisée. Voilà cette définition de la dyslexie en 1967. Votre réaction, peut-être l'un et l'autre, à ce que vous venez d'entendre, Florence Marchal? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans cette présentation et moi je suis particulièrement touchée par la fin de ces propos sur le retentissement et vous avez rappelé les chiffres un peu épidémiologiques même s'ils sont encore à améliorer, mais c'est vrai que c'est un réel problème de santé publique qui est méconnu parce que on parle souvent de handicap invisible. Et les choses, les connaissances scientifiques et les moyens qu'on a pour diagnostiquer et traiter, accompagner, se sont beaucoup améliorés, en particulier depuis les années 2000. Peut-être qu'on reviendra à ce virage, à ce tournant, après un rapport sur ces troubles, notamment le rapport Ringard de l'Éducation nationale et la mise en place des centres de référence. Pour ces troubles, beaucoup de choses sont maintenant mieux connues. Il reste encore beaucoup de choses à définir, mais il nous manque encore des moyens pour les mettre en place. C'est un petit peu les choses qui me tiennent à cœur, alors que ça touche beaucoup de gens et beaucoup d'enfants et d'adultes, et que ça les met en réelle situation de handicap. Hervé Glazel, votre réaction à cette définition qui est un peu datée, mais pas tellement, qui est assez non. Hein. Pas tant que ça, c'est impressionnant. Hein. Il y a une définition assez précise, en tout cas du fait que la dyslexie, c'est un trouble de la lecture. Hein. Ce qui est intéressant, c'est l'analyse ensuite des ramifications de ce trouble. Alors aujourd'hui, on pense que le trouble de la lecture, hein, qui est un trouble donc réceptif, c'est-à-dire c'est au moment de lire que l'enfant ou l'adulte est en difficulté, alors que celui qui nous parle évoque des questions qui seraient plutôt sur la voie expressive, c'est-à-dire en fait la capacité à mobiliser les règles d'orthographe et plus encore en fait de construire un texte sous la forme d'expression écrite. Et là, il faut faire attention, hein, puisque la définition des troubles 10, c'est justement en fait une difficulté spécifique à maîtriser une compétence particulière qui permette de bien fonctionner en société, hein, et donc il ne faut pas confondre, si vous voulez, les différents troubles. Hein, et donc la dysorthographie n'est pas une conséquence fatale de la dyslexie, même si elle est courante, c'est vrai, mais on a pu démontrer des cas de dissociation. Et puis les troubles de l'expression écrite impliquent tellement plus d'autres ingrédients, si vous voulez, qu'un trouble réceptif de la lecture n'est pas forcément suffisant pour expliquer ces difficultés-là. Enfin, je rebondis en fait sur ce que disait le docteur Marchal, bien entendu, une question très importante, outre les prises en charge, c'est la répercussion psychosociale, hein, cette souffrance scolaire massive, ce sentiment, si vous voulez, d'abandon et d'exclusion. Alors, il faut peut-être pas être à ce point catastrophiste, hein, sur les questions de délinquance ou de désinsertion sociale, mais il n'empêche qu'il y a un vrai risque, si vous voulez, d'épuisement en fait de l'enfant et de son environnement. Et ce n'est pas simplement le trouble cognitif qu'il faut prendre en charge, mais aussi toute cette sphère autour de l'enfant. Comment est-ce qu'on explique qu'on dispose de données aussi faibles pour des troubles qui sont manifestement aussi répandu et aussi courant dans l'ensemble de la population? Je parle de la France parce qu'on a quelques données à l'international, mais c'est vrai qu'en France, on dispose de chiffres qui sont assez peu fiables ou en tout cas sur des échantillons relativement compliqués. Il me semble que les études scientifiques partent d'études de groupe. Et plus le groupe, l'effectif du groupe est élevé, plus la puissance de ce qui est montré est importante. Et le problème, c'est que on dit la dyslexie, la dyspraxie. Or, il y a une grande hétérogénéité au sein d'un même terme diagnostique. Il y a plusieurs types de dyslexie, plusieurs types de dyspraxie. Et ce sont aussi des pathologies, des troubles du développement qui sont d'origine qui ont une pathogénie multifactorielle. On n'a pas un facteur viral et ensuite une pneumopathie. Non, on a vraiment plusieurs facteurs constitutionnels ou environnementaux qui nous exposent à développer ce trouble, ce qui fait que vraiment l'hétérogénéité est partout. Et je pense que c'est ça qui rend la difficulté et d'avancer sur parfois des critères diagnostiques et surtout la description des populations et leurs besoins. Avec les ailes. Les chiffres oui. que je citais tout à l'heure sont à peu près ceux dont on dispose, sont à peu près quand même une sorte de... Voilà, quand même un consensus. De c'est consensus, près, voilà. C'est à peu près la cible. 5 à 8% de troubles 10, ça paraît raisonnable. Évidemment, il y a toujours un débat sur les seuils, à partir de quel moment on considère, en fait, que quand on analyse la situation de tel ou tel individu, il est dans l'intervalle où on peut affirmer le trouble. Donc, évidemment, il suffit de bouger légèrement le curseur finalement, modifier de manière assez sensible les chiffres. Cependant, je crois qu'on peut s'appuyer sur ces chiffres-là. Attention aussi à ne pas tout définir comme un trouble 10, hein. C'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui on a quand même un certain nombre de critères rigoureux, hein, en termes d'intensité, d'impact fonctionnel et qui permet de poser les choses. Mais 5 à 8% paraît en fait une estimation de qualité. Juste sur les aspects de chiffres, on dit qu'il y a à peu près autour de 18, 20, 21% d'enfants qui sont en difficulté scolaire. Par contre, parmi ces difficultés scolaires, le chiffre qui concerne vraiment les troubles spécifiques des apprentissages est plus réduit, mais on est quand même, en fonction, en moyenne, autour de 1 à 2 enfants par classe, ce qui donne une image un peu concrète. Absolument. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc de ces troubles 10, troubles spécifiques du langage et des apprentissages, TSLA. On va parler de l'un et de l'autre de manière équivalente puisque ça définit la même chose. Mais alors justement, entre, vous le disiez à l'instant, Florence Marchal, entre dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, on parle quand même de choses qui sont très différentes, qui concernent tout de même des problèmes d'apprentissage similaires, mais des troubles cognitifs qui, in fine, sont très distincts. Oui, la définition de ces troubles spécifiques, c'est d'avoir, dans le développement des compétences intellectuelles, des compétences cognitives, certaines fonctions, de façon assez élective, plus ou moins isolées, qui ne se développent pas comme elle devrait, alors même que l'enfant n'a pas de déficience intellectuelle, il n'a pas de troubles du comportement, il a envie d'apprendre, il est exposé aux apprentissages. Donc rien n'explique que cette fonction-là ne développe pas son équipement et donc l'acquisition des connaissances et des compétences comme on l'attend. Ce qui rend un peu les choses compliquées, c'est que bon, ça s'appuie sur un développement cérébral atypique. Vous avez parlé de Einstein et d'autres, donc ça s'appuie sur un développement cérébral atypique. Et dans cette atypie, bah parfois, l'enfant, il présente plusieurs atypies. Donc on est sur des troubles électifs isolés, mais en fait, ils ne sont pas si isolés que ça. Parce que quand on a un trouble 10, si par exemple, trouble spécifique du langage oral, on a de grandes chances, plus qu'un autre, d'avoir un autre trouble associé en comorbidité. Donc ça rend un petit peu la compréhension des choses complexe. Les troubles 10 vont de pair ou vont souvent l'un avec l'autre, effectivement, Hervé Glazel. Et pourtant, ces troubles se développent sans qu'ils soient associés à des problèmes de développement cognitif plus vaste. Il n'y a pas de lien avec d'autres formes de troubles psychiatriques qui seraient développés, qui pourraient devenir inquiétants, ou de lien, parce qu'on a souvent posé la question, avec, par exemple, l'apparition de troubles du spectre autistique. Absolument. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que la co-occurrence des troubles est effectivement très courante. Cependant, aujourd'hui, nous sommes armés de modèles et d'outils qui nous permettent d'être très spécifiques et très... On arrive à distinguer de manière fine les troubles. C'est-à-dire, on se retrouve pas devant une équation insoluble avec de multiples faits qu'on n'arriverait pas à élucider. Au contraire, si vous voulez, certes, il peut y avoir une co-occurrence de troubles, mais on peut isoler, on peut véritablement affirmer que dans tel ou tel domaine cognitif, c'est-à-dire dans tel ou tel domaine du traitement de l'information, l'enfant, en fait, présente une atypie de développement, un décalage par rapport à ses pairs, et donc une difficulté spécifique à laquelle il faudra pouvoir associer un impact fonctionnel. Il faut que ça ait finalement un impact sur son quotidien. Et bien entendu, si vous voulez, comme le disait Florence Marshall, ceci s'entend à l'exception d'un trouble global, d'un retard global de la cognition, c'est-à-dire un retard mental éventuel, et ou de troubles psychiatriques. Cependant, il arrive, si vous voulez, que chez certains enfants, malheureusement, on trouve en fait l'association, l'addition en fait de ce trouble, de ces différentes difficultés, de ces différents troubles, et qui évidemment se potentialisent les uns les autres. Bien sûr, mais on le redit parce que c'est souvent inquiétant chez les parents, hein, quand on commence à voir qu'il y a des problèmes à l'apprentissage, des problèmes de concentration, on a toujours peur que ce soit associé ou les signes précurseurs d'un retard mental ou d'un trouble psychiatrique plus grave. Ça n'est pas lié strictement. C'est de temps en temps une certaine forme d'occurrence, mais on a des statistiques là-dessus. C'est tout l'enjeu. Les statistiques, en tout cas, quand on est devant un enfant qui ne se développe pas de la manière attendue par rapport à ses frères et sœurs, par rapport aux autres enfants de la classe, il y a une enquête, un enjeu pour l'entourage familial, scolaire et médical et paramédical de savoir ce qui explique qu'il soit en difficulté. Donc, déjà, la description des difficultés en vie quotidienne, elle oriente de manière vraiment très très importante, quand on écoute et qu'on interroge de façon ciblée, elle oriente vraiment sur qu'est-ce qui empêche cet enfant. Est-ce que c'est plutôt un équipement qui est inadéquat dans le domaine du langage ou dans le domaine de l'approche gestuelle ou dans le domaine de l'acquisition des mécanismes pour pouvoir lire? Est-ce que c'est plutôt une attitude globale? Enfin, on est très très vite renseigné. Donc cette approche clinique, elle est très importante. Et ensuite, comme le disait Hervé Glazel, on a beaucoup d'outils qu'on répartit entre différentes professions. On a beaucoup d'outils pour quantifier, préciser si on est dans le trouble ou si on est dans un rythme d'apprentissage un peu différent. Aujourd'hui, justement, quel est ce delta-là entre finalement un petit retard d'apprentissage léger et vraiment la bascule? On sait vraiment définir ça avec finesse, le trait qui sépare finalement la bascule dans les troubles spécifiques du langage des apprentissages et finalement quelque chose qui relèverait juste d'une petite phase temporaire qui n'appartient pas à cette catégorie? Oui, de manière un peu générale, si vous voulez, aujourd'hui on s'est imposé un certain nombre de critères. Hein, le critère, si vous voulez, c'est un décalage significatif de l'enfant. Un certain nombre d'éléments qui sont fondamentaux pour tel apprentissage. Si je prends par exemple la lecture, donc la dyslexie, trois critères, un critère de vitesse, un critère de précision, c'est-à-dire de nombre d'erreurs, et d'impact, si vous voulez, c'est-à-dire de compréhension de la lecture. À partir de ces trois critères, on peut estimer, si vous voulez, si l'enfant se trouve décalé de manière significative par rapport à ses pairs, et on met le curseur à moins deux écarts types, c'est-à-dire l'enfant qui se situe dans les 2 à 5%, les enfants les plus lents ou faisant le plus d'erreurs, ayant le plus de mal accès au sens, sachant qu'évidemment ces critères pouvant se compléter. Mais voilà, on a quand même aujourd'hui une certaine règle commune qui dit que on va affirmer le trouble quand l'enfant se situe dans ce décalage-là. Il peut y avoir aussi un certain nombre d'estimations en termes de nombre de mois d'acquisition. Le retard par rapport au reste de la classe. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut parler, par exemple, sur la dyslexie. On prononcera pas officiellement le mot de dyslexie si l'enfant n'a pas un décalage de plus de 18 mois entre l'âge chronologique et l'âge de lecture mesuré, si vous voulez, par rapport aux trois critères que je viens d'énoncer. Alors, ces troubles 10, donc on les catégorise, il y a six grandes familles. Peut-être que vous pouvez nous les préciser parce qu'elles regroupent tout de même des troubles relativement différents, Hervé Glazel. Les troubles du langage oral, les dysphasies, troubles du langage écrit, les dyslexies et dysorthographies. On a les troubles du geste, hein, les dyspraxies et les dysgraphies éventuelles, les troubles du sens du nombre, les dyscalculies. Alors j'ai dû en oublier parce que vous avez. Alors il y a dans ces catégories les troubles spécifiques du développement des processus attentionnels, c'est-à-dire les troubles de l'attention qui ne sont pas à proprement parler des 10, mais qu'on classe tout de même dans ces troubles 10. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore prononcé le mot de neuropsychologie qui nous tient à cœur à tous les deux. C'est quand on est devant cet enfant avec tout un tas de composantes et qu'on est devant cette énigme à résoudre pour l'aider, Un des moyens sur lesquels on s'appuie justement pour faire la part de ces troubles 10, c'est une approche neuropsychologique. L'approche neuropsychologique, elle essaye d'explorer fonction par fonction. Et donc de comparer le développement de l'enfant au développement attendu pour son âge. Qu'est-ce que c'était La question c'était juste que j'ajoutais à cette liste les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc dans la neuropsychologie, on a une façon un petit peu qui se base sur la connaissance aussi du fonctionnement cérébral, un petit peu modulaire. Et en plus de ces modules un peu séparés des fonctions qu'on vient de citer à l'instant, on a des fonctions qui sont plus transversales et qui sont en amont et qui finalement impactent l'ensemble du fonctionnement, qui sont les fonctions attentionnelles, exécutives, c'est-à-dire tout ce qui va nécessiter, enfin tout ce qui va impliquer de planifier, d'être capable de changer de programme, d'être capable d'inhiber une réponse qui serait trop impulsive. Voilà, ces fonctions attentionnelles, de mémoire également et exécutives, elles sont intriquées entre elles et elles ont un impact sur l'ensemble du fonctionnement. Et donc l'approche neuropsychologique, c'est vraiment de peser le poids du développement de chacune de ces fonctions. Ce qui est intéressant avec Glazel, quand on regarde effectivement la distribution de ces différents troubles, c'est qu'on peut poser en tout cas certaines choses de manière assez nette, c'est qu'il n'y a pas de différence géographique ou socioculturelle a priori. Absolument, c'est-à-dire que ça touche les enfants de manière tout à fait répartie dans la population. Il n'y a pas d'impact du cadre familial, du cadre socioculturel. Il peut exister des éléments, des situations familiales. Il peut y avoir des dyslexies familiales ou des dysphasies familiales. Au sens héréditaire. Héréditaire, voilà. Puisqu'on pense en fait qu'il y a un substrat génétique à ce type de trouble. Donc il peut y avoir des formes familiales, en effet. Et alors ça, probablement, oui, là, moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est aussi lié au manque de données scientifiques, notamment insuffisamment du côté des sciences sociales. On a vraiment de plus en plus de connaissances neurobiologiques et sur le développement cérébral et sur comment les anomalies peuvent expliquer certains troubles 10. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, c'est multifactoriel avec probablement des facteurs génétiques plus ou moins importants selon les troubles, plus ou moins importants selon les familles, et puis des facteurs plus développementaux. Voilà, si on a été, par exemple, la prématurité expose particulièrement aux troubles dyspraxiques, plus que dans la population normale. Voilà, il y a un certain nombre d'accidents de santé ou de les troubles de l'audition liés à des otites un peu passés inaperçus exposent énormément aux troubles du langage oral. Donc il y a un certain nombre de facteurs surajoutés qui vont faire que la prédisposition génétique qu'on avait va s'exprimer ou pas. Et il y a également, mais c'est seulement assez récemment qu'on en fait un petit peu la découverte, un impact socio-économique. C'est-à-dire que le fait d'être dans des conditions de vie défavorisées expose davantage peut-être à une naissance prématurée, ou expose peut-être davantage au fait d'avoir un suivi moins précis et une prévention moins efficace des troubles de l'audition, etc., etc. Donc il y a Des diagnostics plus tardifs, voilà, moindre attention. Il y a aussi beaucoup d'études qui montrent un lien entre le niveau d'études de la mère et certains troubles. Non pas que ça soit héréditaire, mais parce que on est plus exposé à des facteurs environnementaux qui vont favoriser l'expression du risque de 10. Sur les facteurs héréditaires, juste un mot tout de même, il y a des études sur des jumeaux homozygotes qui montrent que pour le coup, il y a clairement des statistiques épidémiologiques qui laissent entendre qu'il y a une composante héréditaire qui est relativement certaine et relativement forte avec Glazel. Oui, il y a une irritabilité en fait de ces traits, et ce que disait le docteur Marshall est certes vrai, cependant les troubles 10 s'entendent à l'exception, si vous voulez, d'un enfant qui ne serait pas suffisamment exposé à l'apprentissage. Et donc qu'évidemment un trouble sous-jacent s'exprime plus ou moins fortement en fonction de la stimulation de l'enfant, mais il n'empêche que il faut rester extrêmement précis sur ce qu'on dit. Les troubles 10 s'entendent donc à l'exception d'un retard global et d'un défaut d'exposition. Si vous voulez, si vous prenez un tout petit peu de décalage, c'est par rapport aux fameuses dysorthographies. On semble que tous les enfants aujourd'hui soient dysorthographiques. La question se pose, si vous voulez, puisque l'orthographe est devenu un peu le parent pauvre de la scolarité. On trouve que c'est un enseignement bête ou pas suffisamment sophistiqué, et pourtant qui est très essentiel pour l'accès au sens. Et pour pourtant, aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne maîtrisent pas les règles de l'orthographe ou l'écriture des mots d'usage parce qu'ils ne sont pas assez entraînés, pas assez stimulés. Et donc à ce moment-là apparaîtraient, si vous voulez, des troubles, si vous voulez, mais ça c'est un artefact par rapport à la stimulation. On lit aussi tout de même qu'il y a des différences en fonction des idiomes, des langages. C'est-à-dire qu'il y a des langages quand il y a moins de disjonction entre les phonèmes et les graphèmes, c'est-à-dire entre la façon dont on écrit et la façon dont on prononce, il y a moins de troubles dysorthographiques ou dyslexiques, par exemple en italien par rapport au français ou à l'anglais qui ont plus de difficultés avec. Oui, c'est une illustration. Beaucoup de lettres pour peu de sons. C'est une illustration du fait que, en fonction de la façon dont on est équipé, et des différents obstacles qu'on rencontre, on va plus ou moins exprimer, se trouver dans une situation de handicap ou pas. Effectivement, certaines langues sont très transparentes, au sens où toutes les lettres se lisent la même façon et tous les sons s'écrivent de façon univoque. Et à ce moment-là, ça donne beaucoup moins... Ça n'est pas la seule cause de difficultés de troubles du langage écrit et de dyslexie, mais ça réduit la prévalence des troubles dysorthographiques. Sur les aspects génétiques, puisque c'est quand même une question effectivement scientifique, c'est important pour mieux comprendre les troubles. Nous, praticiens de terrain, cliniciens, moi, j'y vois pas pour l'instant de pistes thérapeutiques, mais c'est vrai que c'est quand même important de mieux connaître la genèse, pourquoi un enfant va développer un trouble. Alors, c'est vrai que les pistes génétiques, comme dans les autres pathologies, sont de plus en plus renseignées, mais on peut développer un trouble 10 sans qu'on ait aucun antécédent familial. Mais, des nouveaux. Mais il, voilà, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on retrouve des familles de dysphasiques ou de dyslexiques ou de dyspraxiques et que dans ces familles-là, les études montrent qu'il y a une implication génétique. Ce n'est pas toujours la même dans chaque famille. Et ça, ça a été beaucoup étudié dans les troubles du langage écrit et les troubles dyspraxiques qui font l'objet d'études plus récentes, c'est beaucoup plus ancien pour le langage et le langage écrit, montrent aussi l'implication notamment du chromosome 16. Mais là aussi, c'est probablement pas les mêmes gènes selon les familles et c'est une prédisposition, ce n'est pas la seule qui expose aux troubles dyspraxiques. J'ai lu également, je parle sous votre contrôle, Hervé Glazel et Florence Marchal, qu'il y avait une très très forte prévalence masculine. Oui, alors ça, effectivement, c'est un peu une énigme, mais il y a... Quand je dis très forte, c'est 4 pour 1, hein, donc c'est très forte. Absolument, c'est 80% de garçons qui ont des troubles des apprentissages. Et là, on s'explique peu, si vous voulez, cette anomalie, hein, cet énorme décalage. Et donc, si on repart sur les questions génétiques, il semble que pour que la fille présente des troubles des apprentissages, il faut qu'il y ait plus de mutations. Pour que le phénotype apparaisse par rapport aux garçons qui auraient un certain nombre de fragilités supplémentaires, des éléments compensateurs qui n'existeraient pas et donc qui feraient apparaître plus aisément en fait le trouble 10. Mais c'est effectivement 80% des troubles 10, c'est surtout les garçons. Sur le rapport récent de l'INSERM sur la dyspraxie, je crois qu'on était à plutôt 2 pour 1, mais... Ça reste une prévalence importante. Oui, ça reste une prévalence. Ce qui me revient aussi, ce que j'ai envie de dire pour notamment les familles qui écoutent, c'est que les pistes génétiques, de la même façon que les pistes d'imagerie cérébrale, qui sont aussi très passionnantes pour essayer de nous faire comprendre pourquoi cet enfant, alors qu'il est intelligent, qu'il essaye d'y arriver, il n'y arrive pas, elles nous éclairent sur le fonctionnement, mais pour l'instant, c'est en aucun cas un moyen diagnostique. C'est pas ça qui va nous dire on va faire une IRM, on va faire un prélèvement ADN, génétique ouais. Et on saura si alors il est dyspraxique ou il l'est pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Gentle reader, we see God through our assholes in the flesh bubble orgasm. Through these orifices, transmute your body. The way out is the way in. Now I, William Seward, will unlock my word hole. My Viking heart fares over the great brown river. where motors putt, putt, putt in jungle twilight, and whole trees float with huge snakes in the branches, and sad-eyed memers watch the shore. Across the Missouri field, the boy finds a pink arrowhead. Out along distant train whistles, comes back to me. Hungry as a street boy, don't know to peddle the ass God gave him. Gentle reader, the word will leap on you with leopard man iron claws. It will cut off fingers and toes like an opportunist land crab. It will hang you and catch your jism like a scrutable dog. It will coil around your thighs like a bushmaster and inject a shot glass of rancid ectoplasm. I am not American Express. La voix de William Burroughs sur ce morceau Gentle Reader, William Burroughs dont les techniques de cut-up n'ont pas grand-chose à voir avec la dyslexie, quoique c'est bien remettre les mots dans un autre ordre, mais c'est un autre débat, puisque c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Nous parlons pas seulement de dyslexie, mais de tous les troubles 10, D, Y, S. Nous en parlons avec Florence Marshall, qui est médecin spécialisée en médecine physique et réadaptation aux hôpitaux Saint-Maurice du Val-de-Marne et membre du comité scientifique de la Fédération française des troubles 10, et avec la Zell, neuropsychologue spécialiste du développement de l'enfant et de l'adolescent et fondateur et directeur du CEREN, le centre de référence pour l'évaluation neuropsychologique de l'enfant, où nous allons d'ailleurs aller. Bonjour Céline Nozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Voilà, puisque le CEREN, ce sont des écoles privées qui sont spécialisées dans la prise en charge des enfants qui souffrent de troubles 10, et nous avons eu la chance, Céline, vous avez eu la chance de pouvoir aller visiter justement l'une de ces classes, un cours de français, dans une classe de CM1, CE2. CE2, CM1. C'était une leçon de grammaire donné à une douzaine d'élèves, des élèves avec des troubles 10 différents, dyslexie, dysorthographie et dyscalculie. Dans ce cours, la maîtresse, Madame Gay, applique des méthodes qui ont été développées spécialement pour eux. Ici, les programmes ont été optimisés par des neuropsychologues, des ergothérapeutes et des orthophonistes, par des stratégies de contournement, de focalisation ou bien avec l'aide du numérique. Tout le monde peut progresser à son rythme et une fois remis à niveau, l'élève, au bout de 2 ans et demi en moyenne, peut réintégrer un parcours classique en conservant toute sa vie les méthodes apprises dans cette école. Vous allez prendre vos pochettes vertes et on avait mis le texte sur comment vivre au temps des mammouths dedans. Première phrase. Un matin, à ton réveil, tu étais dans un camp préhistorique. Qui me trouve déjà des noms ? Un matin. Matin, c'est le nom. Un, le déterminant qui va avec. Un matin. Camp. Groupe nominal. Oui ? Un camp. Est-ce que c'est le groupe nominal et... Un camp c'est préhistoire. Un camp préhistorique, il y a l'adjectif qui va avec. Un camp préhistorique. Est-ce que dans cette phrase-là, il y a d'autres groupes nominaux ? Oui. Non. Ah si ? Oui. À ton réveil. C'est à ton réveil ? Non. Tu étais ? Attention, concentre-toi sur le nom. Où est le nom là-dedans ? Est-ce qu'on a le déterminant qui va avec ? Oui. C'est quoi ? Ton. Ton. Donc ton réveil. Est-ce que c'est bon les CE2, vous avez suivi ? Vous avez souligné ce qu'il fallait ? Moi c'est Madame Gay, donc je travaille en classe de... Donc là c'est une classe de CE2 CM1. Donc c'est une classe double niveau avec donc tout type de troubles des apprentissages. On a des dyslexies, dyspraxies, dyscalculiques, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. À tout âge ? Alors on les accueille à partir du CE2. Et la plupart du temps, c'est quand même des enfants qui ont des troubles plutôt sévères, notamment quand ils sont en primaire, parce que du coup, c'est des enfants qui ont dû rapidement pallier, enfin trouver d'autres méthodes et qui n'ont pas pu suivre dans le système classique. Donc c'est souvent que c'est plutôt sévère quand ils arrivent chez nous petits. Alors Alice, tu voulais faire la prochaine. Tu vivais comme les hommes préhistoriques. Les, c'est quoi Alice ? C'est un déterminant pluriel. Oui, homme. C'est au pluriel aussi. Et préhistoriques ? C'est un nom ? Un adjectif. Adjectif. Comment ils sont les hommes ? Ils sont préhistoriques. D'accord ? Notre but, c'est qu'ils puissent repartir dans le système classique après. Donc de 2 à 4 ans, on va dire, ils restent dans notre école. Le temps de les remettre en phase avec l'école, parce que la plupart du temps, ils arrivent, ils sont vraiment... ils détestent l'école, ils se sentent nuls, donc on travaille beaucoup sur l'estime d'eux-mêmes. Ensuite, on leur donne les méthodes et les outils, donc ça passe notamment par l'ordinateur, avec beaucoup de logiciels, le retour vocal, logiciels de géométrie, mais aussi des moyens mémotechniques. Vous voulez dire qu'on adapte les supports en fonction des... On adapte les supports, on adapte les méthodes, mais on adapte aussi les supports. Donc on écrit la plupart du temps en plus gros, plus espacé, pour faciliter la lecture. On manipule beaucoup aussi pour qu'ils puissent voir, notamment ceux qui ont des difficultés en maths, on passe beaucoup par la manipulation. Quelle est la chose qu'il y a toujours, Antoine et James? Quelle est la chose qu'il y a toujours dans un groupe nominal? Le déterminant. Pas toujours. Le nom. Pourquoi il y a toujours un nom dans un groupe nominal? Parce que le groupe nominal, c'est le groupe du... Nom. Du nom, James. D'accord. Qui accompagne toujours le nom? Le déterminant. D'accord. Et parfois, il peut aussi y avoir un... Un adjectif. L'adjectif, il donne une précision sur le nom. Ok. C'est terminé le CM1? Oui. Oui. Ah bah super, on va pouvoir corriger. Pendant cette leçon, vous notiez des symboles, des petites maisons, des pictogrammes. Comment ce genre de méthode peut aider les élèves à bien classifier les différentes structures grammaticales? Ça, typiquement, c'est une méthode en même temps qu'un affichage très typique, notamment pour les dyslexiques. Pour eux, voir juste le nom des catégories ne va pas les aider parce qu'il va falloir encore faire cet effort de déchiffrage, alors que normalement, ça doit être pour quelqu'un qui sait lire. Lieu, personnage, ça vient directement. Si on passe par le pictogramme, ça leur permet de ne pas avoir cet effort-là de lecture. Et du coup, cette double tâche de, en même temps, je réfléchis à la notion grammaticale et en même temps, je dois déchiffrer ce qui est écrit. Donc le pictogramme est direct et leur permet de travailler purement la notion et pas le déchiffrage. Pour ceux qui ont des troubles de l'attention aussi, ça permet de rapidement les recadrer sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, regarde, ça me permet de moi pas avoir à parler en plus, mais de juste pointer du doigt et de refocaliser leur attention sur ce qui est en train d'être travaillé. Je m'appelle Alice. Dans quelle classe? En CM1. C'était une leçon de français, c'était difficile pour toi là? J'étais dans la lune un petit peu, mais après j'ai rattrapé le travail. Des fois c'est compliqué, mais... Les maths, c'est encore plus compliqué parce que j'aime pas les maths. Je suis multidis et on m'a obligée à apprendre les maths. Et je sais pas très bien faire, mais j'ai progressé et voilà. Alors, comment tu t'appelles? Gabrielle, je m'appelle Gabrielle. Et tu es en quelle classe? Je suis en CM1. Ça fait même pas un an, je suis tout nouveau dans cette école. Tu as un trouble 10, tu sais quel type de trouble 10 tu as? Oui, je suis dyslexique sévère et hyperactif. Et donc ici, tu penses que tu as fait des progrès depuis ton arrivée? Oui, j'arrive mieux à lire et à écrire. Moi, mes difficultés, c'est plus le français. Je suis beaucoup plus fort en maths. Donc, contrairement à Alice, toi, tu préfères largement les mathématiques? C'est pour ça que des fois, je aide Alice pour les maths et elle, des fois, elle me aide à faire le français. Je pense que c'est des élèves qui arrivent complètement brisés, alors qu'en fait, c'est des enfants très intelligents. Pas plus que la norme, quand je dis très intelligents, c'est qu'ils ont une intelligence comme les autres. Et c'est dommage qu'ils ne soient pas autant valorisés, parce que c'est vraiment des enfants qui ont un potentiel, qui ont des dons, des qualités, des talents, et qui méritent d'être révélés. Et justement, ce suivi-là, cette prise en charge-là, permet vraiment de révéler ces choses-là et qu'ils puissent se remettre sur les rails des apprentissages pour leur permettre de développer tous ces dons et ces talents après. Voilà. Voilà ce reportage dans une classe du réseau Sérène Hervé Glazel que vous avez bien contribué à fonder. Peut-être une réaction simplement à ce que vous venez d'entendre. Oui, tout à fait. Moi, je rebondis sur ce que dit l'enseignante. Hein. Des enfants talentueux qui ont des vraies compétences, qui se retrouvent marginalisés à l'école, alors qu'en fait, ils ont tout à fait les moyens d'accéder à la complexité des apprentissages, mais qui sont gênés, empêchés, si vous voulez, du fait d'un trouble spécifique. Et on voit bien, toute la scolarité en France se fait à l'écrit. Donc, il faut prendre l'information à l'écrit, donner ses réponses à l'écrit. Un enfant qui est hors de l'écrit, évidemment, est devant une porte en béton et se retrouve très désavantagé. Et donc, en situation de handicap. Toute l'idée, c'est justement de rétablir en fait cette équité-là et que l'enfant, même s'il a un trouble spécifique des apprentissages, a tout à fait les moyens de réussir et de développer son plein potentiel. Florence Marchal. Il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est vrai que, particulièrement la conclusion de l'enseignante sur... on sent le challenge qui nous est posé de détecter les compétences et les forces et de trouver des moyens pour contourner leurs difficultés ou faire progresser leurs compétences dans les secteurs où ils sont en difficulté. Alors, on a quand même beaucoup progressé ces dernières années sur on sait ce qu'il faut faire, à peu près. Il y a eu notamment un rapport de la Haute Autorité de Santé qui a été publié fin 2017 sur... quel était le parcours, puisque je parlais tout à l'heure d'hétérogénéité. La difficulté, c'est d'ajuster la réponse aux besoins de chaque enfant, sachant que on est aussi, vous le savez bien, dans des effets, on entend parfois, oui, la dyspraxie, c'est à la mode, tout le monde est dyspraxique maintenant. Donc on doit faire attention à trouver la réponse qui permet que l'enfant ne soit pas dans une perte de chance, mais on ne doit pas non plus médicaliser ce qui ne doit pas l'être et mettre des étiquettes de pathologie alors que l'enfant il va rejoindre le groupe. Donc tout cet enjeu-là a été formalisé et donne lieu à des un projet de structuration du parcours en trois niveaux. Un niveau de proximité pour détecter et accompagner les troubles simples, qui est le médecin traitant, le médecin scolaire, où les parents et les enseignants sont aussi impliqués dans le repérage et la détection et l'orientation vers ce niveau de proximité. Un niveau 2 où les troubles sont plus complexes et nécessitent une équipe multidisciplinaire. Et un niveau 3 qui correspond à ce qui a été créé dans les années 2000, qui sont les centres de référence pour les troubles du langage et des apprentissages. Et cette articulation, on doit la faire vivre parce qu'aujourd'hui, il y a des compétences. Il faut que les familles puissent repérer autour d'elles, dans leur environnement. À l'école, il y a beaucoup de compétences. Il y a les psychologues scolaires, les médecins scolaires. Malheureusement, il en manque. Par exemple, dans le Val-de-Marne où je travaille, il y a un médecin scolaire pour 20 000 élèves. Alors que d'autres départements, c'est 1 pour 10 000 élèves. Donc, il faut donner les moyens. Alors, on est quand même aussi plein d'espoir. Il y a quand même des plans qui sont prévus pour donner plus de possibilités d'accéder à des examens complémentaires qui n'étaient pas remboursés par l'assurance maladie. Le président de la République, à la dernière conférence en février sur la conférence nationale sur le handicap, a parlé. C'était une parole forte à parler des troubles spécifiques des apprentissages en disant qu'ils pourraient bénéficier de ce forfait à partir de jusqu'à 12 ans pour pouvoir accéder à un bilan ergothérapique, à une prise en charge en psychomotricité. Mais on est un peu à la croisée des chemins et il faut que ce qu'on sait faire, on puisse le faire. Vous diriez aujourd'hui que le personnel d'enseignement notamment est suffisamment sensibilisé à ces troubles pour être capable de les identifier, parce que comme on l'a entendu dans le reportage, comme vous l'avez dit l'un et l'autre aussi, ce sont souvent ces troubles-là qui finissent par créer des comportements qui peuvent être des comportements problématiques ou d'abandon en classe, et donc des élèves passés pour des mauvais élèves simplement parce que ils n'ont pas été diagnostiqués. Vous pensez qu'aujourd'hui il y a un niveau de compréhension et de connaissance suffisant pour pouvoir pointer du doigt et orienter ces élèves vers une meilleure prise en charge? Il y a une sensibilisation, c'est certain. Les enseignants sont en grande souffrance de ne pouvoir accompagner comme ils le voudraient certains enfants, certains élèves avec des troubles 10. Mais il y a un besoin de formation énorme dans la formation initiale et dans la formation continue. Et il faut développer tout un tas de réseaux d'échanges de compétences, de formation continue, de s'appui. Il existe des réseaux dans toutes les régions. Il y a quand même une inégalité selon les territoires et selon les écoles, ça c'est sûr. Et puis selon les époques aussi, hein, puisqu'il y a un auditeur qui vient de nous écrire en disant que lui, il souffre de dysorthographie depuis 15 ans, depuis 1975, et qu'à l'époque, eh bien, le jeu c'était de noter les fautes d'orthographe sur la copie pour faire rigoler toute la classe. Heureusement, ces pratiques-là, elles sont de plus en plus rares, voire elles ont disparu. Hervé Glazel. On espère qu'effectivement ce type de maltraitance scolaire a disparu. Ce que je dirais, si vous voulez, c'est que il faut savoir qu'évidemment les enseignants sont aujourd'hui extrêmement informés et alertés, d'autant que les parents eux-mêmes sont très comme à fleur de peau hein, quant à la réussite de leur enfant. Ils sont là aussi mieux informés. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que ce ne sont ni aux parents ni aux enseignants de diagnostiquer les troubles des apprentissages. En revanche, ils ont un rôle d'alerte. Le parent reste en fait un expert de son enfant et le pédagogue un expert des apprentissages, et donc il a tout à fait, chacun a la possibilité d'alerter, de se dire il y a quelque chose qui dysfonctionne, mon enfant n'apprend pas au même rythme, avec la même facilité que ses pairs. Mais c'est un point de départ, et le point de départ doit ensuite rapidement aboutir à un diagnostic précis. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on a des modèles, on a des outils qui permettent d'affirmer les troubles de manière spécifique et éventuellement leur co-occurrence. Ça, c'est le point de départ. Et une fois qu'on a un diagnostic précis qui évite, si vous voulez, les angles morts, qui évite les amalgames, il est essentiel d'avoir des bilans complets à large spectre qui vont pas tout mélanger, si vous voulez, mais qui vont permettre de ségréger les différents aspects. À ce moment-là, on peut construire une feuille de route. Et cette feuille de route pour l'enfant, elle est faite de différentes interventions, des interventions qui vont viser ce qui fonctionne moins bien, donc des rééducations, stimuler, si vous voulez, particulièrement ce qui dysfonctionne. Et évidemment, là, on n'attendra pas que l'enfant soit parfaitement à l'aise dans la lecture ou dans l'écriture pour qu'il soit à l'école, bien entendu. Et donc, toutes les stratégies pédagogiques vont viser les contournements, c'est-à-dire réussir en dépit du trouble. Ça consiste en quoi, justement, ces stratégies de contournement? Donc, si vous voulez, les stratégies de contournement vont passer par différentes modalités. Il y a d'abord des modalités de présentation, en fait, des apprentissages. Aujourd'hui, si vous voulez, un manuel scolaire n'est absolument pas fait pour un enfant 10. Personne s'y retrouve. C'est un amalgame, en fait, de connaissances. Travailler, manipuler les outils scolaires traditionnels, livres ou cahiers, peut être très compliqué pour un enfant 10. Donc, travailler avec des supports qui soient adaptés, accessibles, qui évitent l'encombrement visuel et de renforcer encore la difficulté de l'enfant. Puis, les contenus. Il fallait rien changer, si vous voulez, au contenu, puisque l'enfant a accès au concept, à la complexité des apprentissages, mais la formulation, hein, pour éviter, si vous voulez, des formulations alambiquées, complexes ou difficiles à lire. Et puis ensuite, tous les outils qui vont permettre à l'enfant de faire autrement. Donc on en a parlé tout à l'heure, hein, le retour vocal, travailler à l'oral, ou le travailler à l'écrit, proposer des outils de contournement typiquement technologiques, retour vocal, dictée orale, clavier, dictée à l'adulte, tout ce qui va permettre à l'enfant de donner sa réponse ou de prendre l'information sans pâtir, si vous voulez, de ce goulot d'étranglement qui est dû à ce trouble spécifique des apprentissages. Florence Marchal, ça veut dire qu'aujourd'hui, si ces troubles sont diagnostiqués suffisamment tôt, au bon moment, d'ailleurs, ils apparaissent tous à peu près au même âge? Non, en fonction, puisque il y a un certain nombre de troubles qui concernent des fonctions qui se développent, comme le langage oral, et un certain nombre de troubles qui concernent des apprentissages scolaires, comme le langage écrit, les mathématiques. Et on a, dans les fonctions qui se développent indépendamment d'apprentissage scolaire, mais qui ont un gros impact sur les apprentissages scolaires, il y a aussi le geste et tout ce qui est tracé et organisation spatiale dans le trouble dyspraxique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec un bon diagnostic, avec un bon accompagnement, on peut bien faire en sorte que son enfant, ou que soi-même, peut-être même plus tard, même si c'est pris tardivement à l'âge adulte, on arrive à récupérer finalement une certaine forme d'apaisement ou de tranquillité, ou quand on n'a pas été traité suffisamment tôt, on peut tout de même faire des efforts, apprendre autrement. Comment ça se passe, Florence Marchal? Alors, vraiment, il faut tenir compte, ça part toujours d'une évaluation des compétences et du décalage de l'enfant ou de l'adulte, et aussi de sa motivation. Dans les travaux de recherche sur les remédiations, la rééducation, la réadaptation, on observe de plus en plus le poids de l'implication et de la motivation de l'enfant et de sa famille. Voilà, vraiment l'implication et la motivation de l'enfant et de sa famille vont faire que la rééducation va être plus efficace ou pas. Donc, c'est toute une stratégie avec le patient et son environnement scolaire ou familial de choisir des objectifs très précis. Je pense particulièrement dans les troubles dyspraxiques, et de mettre en place, comme le disait Hervé Glazel, soit des techniques qui permettent d'augmenter les compétences qui sont altérées et aussi de les contourner. Un des exemples, c'est on a des techniques pour améliorer le graphisme et la calligraphie dans le cadre des troubles dysgraphiques, oui, qui peuvent être donc une conséquence de la dyspraxie, mais on a aussi la possibilité de donner une efficacité, parfois en introduisant du matériel informatique ou des compensations. Mais il y a vraiment une stratégie diagnostique à réfléchir, en mettant quand même l'enfant et sa famille et son entourage scolaire au cœur de la demande pour adapter vraiment les objectifs. Et aussi, ce qui est très important, c'est d'évaluer ce qui se passe après la première intervention. Hein, c'est un modèle qui est développé, qui est la réaction à l'intervention. Il faut évaluer si l'intervention qu'on a mis en place après avoir fait un bilan et un projet, est-ce que la réponse est satisfaisante? Donc, on continue un peu et on arrête. Est-ce qu'elle est insatisfaisante et il faut faire davantage, ou au contraire arrêter et changer notre fusil d'épaule? C'est vraiment une stratégie à réinterroger régulièrement tout au long du parcours. Il y a des stratégies possibles pour les adultes aussi qui n'auraient pas été diagnostiqués, qui souffrent d'un trouble 10, quel qu'il soit? Oui, il n'y a pas non plus de fatalité définitive autour de tout ça. Le moment clé, si vous voulez, de la prise en charge des troubles 10, c'est la période de l'enfance, bien entendu, de la scolarité, on va dire 5 ans à 15 ans, plus tôt éventuellement s'il y a des troubles du langage ou des troubles des praxies, c'est le moment capital où il faut éviter l'échec scolaire. Cependant, la question de la permanence du trouble se pose. Un enfant qui est correctement pris en charge va évidemment avoir plus de chances, mais aussi il y a différents facteurs qui vont aider le futur adulte. Ce sont les questions liées à la maturation endogène, c'est-à-dire que notre cerveau continue à maturer jusqu'au jeune âge adulte, et donc il peut y avoir des vagues d'expression dans le cerveau et d'organisation des cortex qui vont permettre d'être plus compétent dans les domaines difficiles. Un adulte compétent lui aussi va permettre de mieux se connaître et de contourner spontanément en fait ses troubles, de se trouver à lui-même des outils de compensation qui vont lui permettre de fonctionner en société en dépit de là où les difficultés. Merci beaucoup à tous les deux. Un dernier mot aujourd'hui, si j'ai le sentiment par exemple que mon enfant souffre d'un trouble 10, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a un réseau qu'il faut que je contacte? La FF10, CRN, il faut que je prévienne l'école? Comment ça se passe en un mot? Je dirais qu'il faut partir vraiment d'une stratégie du plus proche. Autour de vous, dans votre école, il y a des ressources, il y a des appuis. Et donc si ça c'est le message aux familles, j'ai envie de dire un message plutôt à nos pouvoirs publics. Il faut que les réseaux de niveau 1, de niveau 2 puissent vraiment se développer pour pouvoir répondre aux attentes des familles. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Florence Marchal, merci Hervé Glazel. On a mis évidemment des liens vers toutes ces institutions, CRM, FF10, sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation, Élise Le à la technique. Demain, que se passera-t-il si le ciel nous tombe sur la tête? Eh bien, les agences spatiales mondiales y réfléchissent et vont tester dans les prochains mois le fait de détourner un astéroïde inoffensif, rassurez-vous, pour simuler la probabilité d'une collision entre un géocroiseur et notre planète. Ça va taper fort demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.